C'est la chronique du hockey mineur de Robert Val avec notre ami Hugo Maltais. Salut Hugo. Salut. Hugo, en fin de semaine, la semaine passée, c'était le tournoi Bantam de Dolbeau-Mistassini. Ça a été quand même un succès selon le président Pierre-Luc Ménard. Comment ça s'est passé finalement concernant les équipes de Robert Val? Nous autres, dans notre cas, ça a été un tournoi relativement, tranquille. Nos deux équipes ont fini avec une victoire, deux défaites. Donc, on n'a pas été capable, ni dans le Bantam A, ni dans le Bantam B, de se classer là, pour le quart et d'as, donc les demi-finales du dimanche. Là, donc, nous, après la formule Ron Robin, on a plié bagage pour ce qui est de nos deux équipes. Mm. On n'avait pas d'équipe là, dans le double lettre parce que Mastoyache était en fin de semaine passée là, à Sept-Îles et à Bécomo pour trois parties dans la saison régulière. Fait que on avait seulement que ces deux équipes-là dans la catégorie Bantam. OK. Donc, maintenant, c'est ton atome Pee-Wee cette semaine? Oui. OK, donc comment ça va? L'atome Pee-Wee, on devrait être très, très, très représentatif. J'ai mon Pee-Wee B qui ont joué mardi soir contre Alma, puis ils ont gagné 4-1. Mm-hmm. Puis eux autres arrivent là, d'un tournoi à Trois-Rivières, exactement à Saint-Pierre-les-Bequets. En banlieue, puis ils ont perdu en finale 3-1. Donc, ils avaient connu là, un gros tournoi là-bas à Trois-Rivières. Fait que fort de ce beau tournoi-là, ben ils arrivent à Dolbeau là, assez confiants. Puis pour ce qui est du Piouia, des Hurricanes de Mastoyache, qui est entre autres coaché par moi. Là, hier, on a commencé notre tournoi, puis on a gagné 8-1 contre Allemand. Okay. Et théoriquement, on devrait très bien performer parce qu'après nous autres, dans la saison régulière, après 9 parties, là, on est invaincu donc avec 7 victoires puis 2 matchs nuls. Donc on devrait être considéré comme étant là, parmi les grands favoris dans cette catégorie-là. OK. Donc on va surveiller ça de très très près. Maintenant, on va parlons maintenant des Ligues Saint-Pélette à Robert-Val. Dans les ligues, nous autres, dans nos Ligues Saint-Pélette présentement, je te dirais que tout va bien. Mm. Midget performe très bien, là. Sachant que la Ligue est quand même là, de très relevée dans le Midgeta, donc Saint-Félicien, Dolbeau ont des bonnes équipes. Donc, on est dans le tiers du peloton de tête, donc on est très, très, très satisfait de tout ça. Dans l'atome, autant là, nos atomes A que nos atomes B, c'est des parties super serrées, donc on est bien content de tout ça. On en gagne autant qu'on en perd, donc on n'est pas déficitaire. On joue pour dans nos deux équipes dans les 500, puis nos novices ont commencé là, la fin de semaine dernière, puis on performe bien, ça va bien, là, le novice A est très fort, puis mes petits novices B, ils commencent, là, ils en gagnent une, ils en perdent une, donc on est bien balancés, ça fait que ça, nos ligues simple lettre jusqu'à date, on est très satisfaits là, au hockey mineur de Robert-Val de leur performance, c'est pas une question de gagner et perdre non plus, mais en tout cas, on compétitionne, puis on mange pas, là, je vais dire, il y a une expression, on mange pas de volée. Donc, à partir de là, les parents jusqu'à date sont très satisfaits de ça. OK. Puis, du côté des Sabres de Val, que considérez Atome? Nous autres, dans notre catégorie Atome, dans l'Atome 2B, on est premier. Après 10 parties, là, on a 9 victoires, puis une partie nulle. La semaine dernière, justement, là, l'Atome 2B était avec nous autres à Sept-Îles. Puis, ils ont gagné 2 parties, puis pour la première fois, là, sans perdre, ils ont annulé 3-3 contre Sept-Îles. Donc, après 10 parties, eux autres également, parce que c'est vrai, eux autres également dans l'atome, c'est ma seule équipe, mais ils sont au tournoi de Dolbeau, ils ont joué hier soir, ils ont battu Dolbeau, ils ont justement battu Dolbeau 7-1 hier soir. C'est une des équipes favorites là, cette année dans la Ligue, là, pour très bien performer. Fait que ça roule là, numéro 1 avec mon atome 2B là, également. OK. Donc, on s'en reparle très prochainement? Oui, ça va me faire plaisir. Hugo Maltais, le président du hockey mineur de